Chapitre 8e, la mer. Il fut décidé que Victorine irait en pension. « Elle est malheureuse, » dit Martel. « Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et c'est inutilement que depuis 2 mois j'en ai cherché la cause. Imaginaire ou non, son mal existe et produit des conséquences funestes. La cause de ce mal est ici. L'éloigné sera donc commencé à la guérir. Il m'en coûte de te donner ce conseil. J'aurais voulu qu'elle grandît près de nous. Précisément parce que je ne suis pas son père, j'aurais voulu être pour elle mieux qu'un père. Je m'y suis appliqué, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui elle me hait. Est-ce pour la sévérité que j'ai dû lui montrer ces derniers temps? Je ne sais pas, car elle ne dit rien. Mais ses regards, le ton de sa voix parle pour elle. Quand elle n'adore pas follement Julien, elle le déteste. Quel sentiment aura-t-elle pour toi dans 15 jours, 1 mois, 1 an, si elle demeurait près de nous? Pour moi, dans la crise présente, la pension est un remède. S'il n'est pas bon, nous en changerons. Mais avant tout, il faut l'essayer. » Armand n'osa pas faire d'objection à ces observations, dont elle sentait toute la justesse. Seulement, elle obtint que Victorine entrerait en pension qu'à Pâques, c'est-à-dire l'hiver une fois passé. Cela lui donnait encore 6 ou 7 mois. C'était l'expédient du débiteur qui veut gagner du temps. Combien de choses pouvaient arriver pendant ces 6 mois? Elle avait cru qu'elle se ferait à cette idée de séparation, et que peu à peu, en raisonnant, elle s'y habituerait. Ce fut le contraire qui arriva. Elle s'y habitua d'autant moins qu'elle y pensa davantage. Ce caractère jaloux, aigre et volontaire de Victorine, ses révoltes, sa dernière aventure, tout cela était la conséquence d'un état maladif. La mettre en pension parce que cet état devenait incommode à tous, c'était exactement comme si malade de corps on l'envoyait dans une maison de santé pour qu'elle y fût soignée, guérie peut-être, dans tous les cas gardée. Au fond, c'était à cela qu'allait se borner son séjour à la pension, être gardé hors de la maison. Ce qu'il avait changé, c'était, ce ne pouvait être qu'un sentiment excessif de jalousie. N'était-ce pas exaspéré ce sentiment, au lieu de le soulager, que la mettre hors de la maison, quand son frère y restait? Elle n'aura plus le chagrin de le voir caresser, mais quand elle se lèvera le matin, avant le jour, dans un dortoir glacial, elle penserait que Julien, à cette même heure, dormait encore chaudement, qu'il serait éveillé par un baiser de sa mère et habillé doucement devant un bon feu. Quand elle mangerait son pain sec en courant pour se réchauffer, elle penserait que Julien était attablé devant une tasse de chocolat sucré et des rôtis beurrés. Quand elle serait obligée de travailler dans une salle d'études sous l'œil d'une sous-maîtresse hargneuse, elle penserait que Julien faisait librement ce qu'il voulait, déniche et déni, galopait peut-être sur son poney à travers champs et dans les chemins fleuris. Alors, les douleurs de l'imagination ne seraient-elles pas plus dures que celles de la réalité? L'on avait la preuve de ce que l'imagination pouvait faire sur elle. Les considérations de Martel étaient justes pour lui. Il n'était pas son père. Mais elle, qu'elle n'eût point eu un deuxième enfant, il ne serait pas question d'éloigner le premier. Si l'un de ses enfants avait plus de droits que l'autre, c'était Victorine. Une fois déjà, ils avaient été sacrifiés, mais au moins dans des conditions d'ignorance, qui était presque une excuse. Maintenant, cette excuse n'existait pas. Ses pensées s'imposèrent à son esprit et ne la quittèrent plus. En même temps, les craintes que lui donnait la santé de Julien, au lieu de se calmer, augmentèrent, car le mieux qu'il s'était fait sentir n'avait pas continué. L'enfant était resté exactement au point où il se trouvait le premier jour de sa convalescence. D'une faiblesse extrême, indifférent à tout, il tombait fréquemment dans des accès de stupeur suivis de fièvre et de tremblements nerveux qui pouvaient faire craindre une rechute. C'était plus qu'il n'en fallait pour abattre une mère qui eût été dans une situation calme, heureuse du présent, sûre de l'avenir. C'en était trop pour Armande, vivant depuis le voyage de Londres dans un état de trouble intérieur, d'inquiétude morale, d'effroi et de découragement, que la tendresse de Martel, ses soins passionnés, leur amour, le bonheur de ses enfants, avait pu jusqu'à un certain point combattre, mais qu'il n'avait pu guérir. Aussi, toujours obsédé des mêmes pensées, n'ayant pas une espérance d'avenir pour Martel, pour Victorine, pour Julien, pour elle-même, qui ne fût incertaine et menacée, en vint-elle à croire que la maladie de ses enfants était un châtiment. C'est parce qu'elle était coupable qu'elle était frappée en eux. On va vite et loin sous la pression de ses idées. Et de toutes nos facultés, c'est la conscience qui peut-être se laisse le plus facilement entraîner par l'imagination. Si elle n'était pas dévote, son âme était religieuse. Élevée chrétiennement par une mère superstitieuse dans sa foi bretonne, c'était pour ne pas contrarier l'athéisme de son grand-père et plus tard l'indifférence de son mari, qu'elle avait abandonné les pratiques de la religion catholique, mais elle avait toujours subi l'influence de son éducation première et au fond du cœur gardé les croyances de son enfance. Malheureuse, elle y revint désespérément. Dieu, Dieu seul, pouvait être un refuge et une espérance. Les églises dans les campagnes ne sont pas, comme à Paris, ouvertes toute la journée. Elles le sont seulement le matin pour la messe, le midi et le soir pour l'Angélus. Le curé garde une clé et le maître d'école, chargé le plus souvent de sonner la cloche, garde l'autre. Toutes les fois qu'Armande voulait aller à l'église, elle était donc obligée d'envoyer demander la clé du curé. En choisissant l'heure de la messe, elle eût évité ce désagrément. Mais ce n'était point la prière en commun, avec sa décence et ses distractions, qu'il fallait à sa douleur. C'était la prière dans la solitude, avec ses élans et ses défaillances, où le cœur se livre et s'abandonne. Quoique l'abbé Blavier ne fût guère habitué à voir Armand dans son église que les jours de fête carillonnée, cette dévotion subite ne le surprit pas trop. La maladie de Julien était une explication qui s'offrait suffisante et toute naturelle. Depuis le départ de Madame Pigache, les relations avec les propriétaires de la ferme avaient été pour lui pleines d'embarras. D'un côté, il se croyait obligé de les rompre et de ne pas légitimer, par sa présence, une situation qu'il savait coupable. D'un autre, il voulait les conserver et pouvoir ainsi faire auprès d'Armande et même auprès de Martel, lorsque l'occasion s'en présenterait, des tentatives qui amèneraient un mariage. Avec les habitudes prises, contenter l'une et l'autre de ses exigences était presque impossible. Est-ce qu'il avait trouvé de mieux ? Ça avait été sur deux invitations à dîner de n'en accepter qu'une, son refus condamnait le présent, son acceptation ménageait l'avenir. Cette maladie et cette dévotion lui parurent être enfin l'occasion qu'il avait si laborieusement cherchée. Car il ne s'était pas contenté de l'attendre, il avait tâché de la faire naître. Pour cela, n'osant essayer une tentative directe, il avait pris des chemins détournés. Il avait prêté à Armande, l'épouse chrétienne, la mère religieuse, la femme pieuse dans le mariage, tout livre qui lui semblait propre à éclairer une conscience coupable. À Martel, il avait offert l'ouvrage du père Bridoux, de l'ordre dans les sociétés par les vertus chrétiennes. Malheureusement, ces chemins ne l'avaient pas conduit au but espéré. Martel avait en riant refusé le livre du père Bridoux, et Armande, tout en acceptant l'épouse chrétienne et la mère religieuse, n'avait point paru touchée par leur lecture. Mais cette maladie devait être bien plus efficace que tous les livres du monde. Évidemment, c'était un secours du ciel. Déjà, elle avait effrayé le cœur de la mère, c'était le moment d'agir sur son esprit et sa raison. Aussi, quoiqu'on ne lui demandât ni secours ni avis, crut-il qu'il était de son devoir d'intervenir. Il choisit son jour et son heure, car, ne se dissimulant pas les difficultés de cette conversion, il voulait mettre toutes les circonstances à profit. Ce jour-là, Julien avait eu une rechute inquiétante et Armande sortait de l'église. Il l'attendit au haut du village, à l'entrée du chemin qui conduit à la ferme. « J'ai remis la clé chez vous, monsieur le curé, » dit-elle quand il l'aborda. « C'est une grande joie pour votre pasteur, » dit-il en marchant près d'elle, « de voir que maintenant vous vous en servez si souvent. Comme pendant longtemps, ça m'était un grand chagrin de voir que vous ne vous en serviez jamais. Ah, monsieur le curé, j'expie aujourd'hui mon indifférence, mais... quand on est heureuse, on croit que le bonheur sera éternel. J'ai oublié Dieu dans mon bonheur égoïste. Aujourd'hui, c'est lui qui m'oublie. Mon pauvre Julien a été repris de fièvre. Et vous venez de demander à Dieu de vous le guérir. Mais demander sans rien donner soi-même, est-ce assez ? J'ai donné ma prière. Ce n'est pas cela que je veux dire. Ne croyez-vous pas que lorsqu'on demande, que la première chose, c'est de se rendre agréable à celui auquel on s'adresse ? Et lorsque celui auquel on s'adresse est Dieu, la première chose n'est-elle pas de se soumettre à sa loi, de pratiquer ses commandements, et de ne paraître devant lui que dans un état où il n'est rien à vous reprocher ? Dans ces paroles entortillées, elle ne vit que le blâme du prêtre condamnant un genre de vie qui n'était point conforme aux exigences de l'Église. Ce n'était pas la première fois qu'il abordait ce sujet. Elle lui répondit ce qu'elle lui avait toujours répondu, qu'elle était une femme religieuse, non une femme pieuse, que Martel, tout en étant le plus honnête homme du monde, n'était ni pieux ni religieux, que cependant il respectait en elle des sentiments qu'il ne partageait pas, mais à condition qu'il n'irait pas, de leurs manifestations extérieures, surtout dans leurs pratiques, au-delà d'une certaine mesure, que, dans ces conditions, elle trouvait que son premier devoir était à elle de respecter ses idées, comme lui respectait les siennes. « J'ai déjà eu la douleur d'entendre cette réponse, » interrompit l'abbé, « et vous savez que j'ai toujours condamné ces erreurs funestes. Le premier devoir d'une femme est de plaire au Seigneur. Aussi, n'est-ce pas de cela que je parlais ? De plusieurs mots, c'est au plus grave qu'il faut aller d'abord. C'est par lui qu'il faut commencer la guérison. Les autres ne sont souvent que les conséquences de celui-là. » Cette insistance surprit Armande. Il reprit. « Vous regardez la maladie de ce cher enfant comme un châtiment. Vous croyez que Dieu a voulu vous avertir, vous vous jetez aux pieds de son autel, vous vous humiliez et vous dites « Seigneur, guérissez-le, je ne vous oublierai plus. » N'êtes-vous donc coupable que de cet oubli ? N'est-il pas en vous, dans votre vie, quelque chose de bien plus grave encore dont vous ne vous repentez pas ?»« Que voulez-vous dire ? » interrompit-elle stupéfaite. « Je veux dire que vous pouvez tout sur le cœur de M. Martel, et que Dieu, en vous frappant, vous avertit d'user de ce pouvoir pour faire cesser un état qui l'afflige. N'admirez-vous pas sa bonté infinie, et comme dans ses voies détournées, ses desseins se font clairement voir ? C'est par l'enfant qu'il touche la mère. C'est par l'enfant et la mère réunis qu'il veut éclairer le père, jusque-là aveuglé par les vanités de l'esprit. Je ne sais pas quelles raisons ont pu, jusqu'à ce jour, vous détourner de faire consacrer votre union par l'Église. Quelles qu'elles soient, peuvent-elles prévaloir contre les avertissements que vous avez reçus ? Quand Dieu parle, ne lui obéirez-vous pas ? Épouse, vous n'aurez plus à rougir, et c'est alors qu'en état de grâce, vous pourrez lui adresser vos prières. Il eût pu continuer longtemps, Armand ne l'entendait pas. En marchant, ils avaient dépassé la maison habitée par les Pigaches, longé les bâtiments de la ferme, et ils étaient presque arrivés devant la grande porte. Pendant la dernière partie de son discours, l'abbé avait été forcé de baisser la voix. Il s'arrêta. « Vous voulez que je décide, M. Martel ? Que peut-il ? Que puis-je moi-même ? Que peut l'Église pour une situation comme la nôtre ? Mais la légitimer et faire cesser un scandale dont vous êtes la première à souffrir ?» Elle le regarda en face, fixement, tout à coup prenant une résolution désespérée. « Entrez, dit-elle, M. Martel est à la maison. Vous lui répéterez ce que vous venez de me dire. » À cette proposition, l'abbé fit un pas en arrière. « Il vaudrait beaucoup mieux, essaya-t-il, qu'il fût préparé. Doucement, vous pourrez l'amener à ce grand acte de réparation. » Et il allait s'engager dans des explications lorsqu'Armand l'arrêta. « Je vous en prie, entrez, » répéta-t-elle. Après tout, il s'était trop avancé pour reculer. Puisqu'il avait parlé, il était de son devoir d'aller jusqu'au bout. Armand le précéda dans l'atelier. « Voici, monsieur le curé, » dit-elle en s'adressant à Martel. « Il semble connaître la vérité de notre situation, et comme il m'en parlait, je l'ai prié de vouloir bien venir s'en entretenir avec toi. » Et avant que Martel fût revenu de son étonnement, le curé, de son embarras, elle sortit. Elle avait trop souffert depuis quelques minutes pour assister à l'entretien qu'elle allait s'engager. Ce fut le curé qui, le premier, rompit le silence. Comme la plupart des gens timides, l'action commencée, il trouvait en lui une certaine décision. À brusquer, on a au moins l'avantage d'en finir plus vite. « J'ai cru qu'il était de mon devoir de prêtre, dit-il, d'adresser quelques observations à Madame Martel sur l'irrégularité de votre position. Tant que Madame Martel a vécu hors de l'Église, on peut admettre jusqu'à un certain point, et en faisant la part des circonstances que j'ignore, on peut admettre que vous n'ayez point recouru au sacrement de l'Église pour légitimer votre union. Mais aujourd'hui, le curé parlait de recourir au sacrement de l'Église, de légitimer leur union. Que savait-il donc ? Pardon, monsieur le curé, dit-il en interrompant. Bien que je vous écoute avec toute l'attention possible, je vous avoue que je ne vous comprends pas. Que peut l'Église pour nous ? Bénir votre mariage. Maintenant ? N'est-il pas toujours temps de réparer une faute ? Vous laisseriez-vous arrêter par une vaine honte ? Voyons, monsieur le curé, je vous en prie. Parlons avec toute la précision possible. Soyez assez bon pour me dire ce que vous savez, tout ce que vous savez sur nous et comment vous l'avez appris, car je vous le répète, je ne comprends absolument rien à votre démarche. » À son tour, l'abbé Blavier eut un moment de surprise. « Mon Dieu, dit-il avec une évidente anxiété, m'aurait-on trompé ? » Sans répondre, Martel fit signe qu'il écoutait. « Ce que je sais, reprit l'abbé, se réduit à bien peu de choses. Une personne, animée des meilleures intentions, au moins j'en ai jugé ainsi, m'a dit que vous n'étiez pas marié, et elle m'a prié de faire auprès de vous toutes les démarches nécessaires pour vous décider à faire consacrer par le sacrement du mariage une position coupable. Cette personne, malheureusement je ne puis vous en dire davantage, cette personne qui, je vous le répète, m'a paru guidée par un vif intérêt pour vous, m'a demandé le secret et je l'ai promis. Et là-dessus, sans rien de précis, sans preuve, alors même que les présomptions étaient pour nous, vous n'avez pas hésité à vous charger de cette mission. Avant d'intervenir, vous ne vous êtes pas demandé quelle portée vos paroles pouvaient avoir sur une honnête femme. Il lui fallut pour cela, dit l'abbé en baissant les yeux, supposer chez la personne qui me mettait en avant une si grande noirceur d'âme que cette pensée ne m'est pas venue. J'ai cru à l'intérêt, c'était plus naturel. Intérêt de curiosité, c'est possible. Intérêt d'une autre sorte encore et plus coupable, je peux bien l'admettre. Mais je crois connaître la personne dont vous voulez cacher le nom. C'est à ce mobile qu'on a obéi en vous trompant, non à d'autres. Est-ce possible ? Martel resta un moment sans répondre, paraissant suivre sa pensée intérieure. « Monsieur le curé, reprit-il bientôt, il y a du vrai dans ce que vous a dit. Nous ne sommes pas mariés. » L'abbé respira. « Nous ne sommes pas mariés légalement, c'est-à-dire aux yeux de la loi française. Nous ne pouvons même l'être, et cela pour des raisons que je ne puis vous donner, mais moralement, religieusement, aux yeux de l'Église, devant l'Église, par le ministère d'un de ses prêtres, nous l'avons été. » Il se leva, alla à son bureau, fouilla dans une liasse de pièces et en tirant une feuille de papier. « Voici un extrait des registres de la paroisse de San Stefano, à Palerme. Veuillez le lire. » L'abbé essaya de se défendre, Martel insista. « Il faut que vous puissiez dire à la personne en qui vous avez eu confiance que de vos yeux, vous avez lu cet acte qui a été fait conformément à la loi du pays où nous nous sommes mariés. »« Mon Dieu !» dit l'abbé lorsqu'il eut achevé de lire. « Comment puis-je vous témoigner ?»« Monsieur le curé, je ne suis pas prêtre. » « Je ne sens donc pas comment je réagis à votre place. Seulement, je déplore votre intervention dans cette affaire. Cependant, il y a un moyen sinon de réparer, au moins d'atténuer ce qui est fait, et ce moyen est en votre pouvoir. La personne, j'ai promis le secret. Je ne veux pas vous demander de le trahir. Cependant, vous comprenez que maintenant, il faut que je la connaisse. Car dans le doute, je puis soupçonner mes meilleurs amis, mes parents même. Eh bien, il me semble que vous pouvez lui demander de vous relever de votre promesse. » Si elle était de bonne foi, elle vous la rendra volontiers. Si elle ne l'était pas, comme je le crois, elle vous la refusera. Dans ce cas, mes soupçons déjà presque fixés le seront tout à fait. Et j'ai pour le présent, comme pour l'avenir, grand intérêt à cela. À l'avance, je suis à peu près certain qu'elle refusera. Après tout, cette proposition n'avait en soi rien de déraisonnable. L'abbé l'accepta. Il était assez malheureux de sa négociation pour avoir à cœur de la faire oublier. Et il était assez indisposé contre Madame Pigache pour ne pas tenir à la ménager. Ainsi, dit Armande lorsque Martel lui rejoint dans sa chambre, maintenant la vérité est publique, demain elle sera connue de nos gens, elle pourra l'être des enfants eux-mêmes. À ces mots prononcés avec un accent navré, il vit que la moitié de sa tâche seulement était accomplie et que le plus difficile restait à faire. Il s'assit près d'elle et la prenant doucement dans son bras, ni des enfants, ni de nos gens, « ni maintenant, ni demain. » Il raconta en détail ce qui venait de se passer, sans rien cacher, sans rien omettre. Je devais dire au curé que j'étais désolé de son intervention. En réalité, elle est heureuse pour nous. À n'en pas douter, c'est par Madame Pigache qu'il a été averti et poussé. Je puis te l'avouer maintenant, il y a longtemps que je pensais qu'elle savait quelque chose. C'est parce que je craignais qu'elle n'en abusât, que je l'ai toléré si longtemps, que je lui ai payé ses 10 000 francs, que je ne lui devais pas. Enfin que je l'ai envoyé à Fontaine-le-Roi, en achetant encore sa discrétion au prix d'une association. Je vois aujourd'hui que ce quelque chose qu'elle a si habilement exploité se réduit à rien. La vérité, elle ne s'en doute pas, car alors elle n'eût point engagé le curé à nous marier. Furieux de la mauvaise affaire dans laquelle elle l'a jetée, le curé va avoir une explication avec elle, et de cette explication, il résultera clairement pour Madame Pigache qu'elle a mal entendu ce qu'elle a cru entendre, et que nous sommes bien mariés, puisque l'acte existe. Ainsi, elle va se trouver arrêtée net dans ses indiscrétions. Voilà les conséquences de l'ambassade de l'abbé Blavier. Elles doivent te sauter aux yeux. Il avait cru qu'en lui démontrant que la vérité n'était pas connue, il lui rendrait sinon la sérénité dans le présent et la confiance dans l'avenir, au moins un certain calme. Malgré la perspicacité passionnée avec laquelle il l'étudiait, il se trompait. Elle était plus profondément atteinte qu'il ne le supposait. Il avait rassuré sa pudeur d'honnête femme. Il n'avait rien fait pour sa conscience. Et c'était dans sa conscience qu'elle avait été atteinte par les paroles de l'abbé Blavier. Il ne tarda pas à s'en apercevoir. Un matin, elle entra dans son atelier, tenant à la main une lettre dont l'enveloppe n'était pas fermée. « Voici une lettre, dit-elle, que j'écris à Mgr Hercouët. J'ai longtemps hésité si je te consulterais avant de l'écrire. mais je me serais si mal expliqué que tu n'aurais sans doute rien compris à ce que je voulais dire. Maintenant, voici la lettre. Lila, si tu penses qu'il est mauvais de l'envoyer, qu'elle ne parte pas. Je m'en remets pleinement à toi. Le Plessis, 4 octobre. Monseigneur, il y a bien longtemps que je ne vous ai écrit, et cependant, dans ma vie si heureuse, il est survenu un épouvantable malheur qui devait me faire recourir à votre amitié toujours bienveillante et au conseil de votre piété. Vous vous souvenez sans doute des difficultés qui ont empêché notre mariage en France. Légalement, la mort de M. Berthaud n'avait pas été constatée, légalement, on ne voulait pas l'admettre. La loi, dans son exigence, qui nous paraissait alors monstrueuse, avait raison. M. Berthaud n'était pas mort, son suicide à Naples avait été une feinte. Il y a 18 mois, un de nos amis nous apprit qu'il était à Londres. Vous dire quel coup cette nouvelle nous porta m'est impossible. Est-ce que vous pourrez imaginer restera toujours au-dessous de l'horrible réalité. Notre mariage rompu, notre fils un enfant naturel, notre amour un crime, notre position un mensonge pour les honnêtes gens, un remords pour nous, pour moi au moins, et encore la pensée incessante qu'aujourd'hui, que demain, il pourrait revenir et nous séparer. De nous-mêmes devions-nous l'accomplir, cette séparation? Mon second mariage, annulé par les circonstances, devait-il l'être par ma volonté? Mon devoir était-il d'abandonner l'homme que j'aime, de lui enlever en même temps son fils, ou, si je ne l'enlevais pas, de le perdre moi-même? Je vous le confesse, en apprenant la vérité, cette idée ne m'est pas seulement venue. C'est plus tard. On dit que les malheurs marchent en troupe, se tenant par la main. Si cela est vrai, il me semble que c'est Dieu alors qui les conduit pour nous éclairer ou nous punir. Victorine, que vous avez connue gentille et douce, a, depuis quelques mois, sans raison apparente, tellement changé que pour elle-même autant que pour nous, nous sommes forcés de l'éloigner et d'essayer quelle influence la pension pourra avoir sur son humeur et son caractère. Julien, qui était superbe de force et de santé, s'est empoisonné avec des baies de belladone. Nous l'avons à grand-peine sauvé, il est resté dans un état qui nous inspire les craintes les plus grandes. Ne sont-ce pas là de ces malheurs qui s'enchaînent pour frapper et avertir? Et quand dans mes prières, je demande à Dieu de guérir mon fils et de rendre ma fille ce qu'elle était, suis-je bien digne de lui adresser ses prières? C'est depuis cet enchaînement de calamités que je suis descendu dans ma conscience. C'est elle qui, à bout de force, folle d'inquiétude et de tourments, vous demande aide et consolation. Mais en est-il pour moi, même dans notre religion qui a fait de si grands miracles? Dieu si grand, si miséricordieux qu'il soit, peut-il donner l'espérance à qui tout d'abord n'offre pas un repentir absolu? Et ce repentir est-il possible pour moi? Souffrir, expier, acheter le bonheur de mes enfants et de celui que j'aime par une vie de larmes? Oui, je le puis, je suis prête, mais se repentir. Voilà, mon Père, pourquoi je tends vers vous mes mains. Vous voyez ma position dans toute son horreur. Trouverez-vous des paroles de paix pour me la rendre moins lourde? J'écris à l'ami. Le prêtre peut-il m'entendre? Puis-je lui demander de faire la lumière dans les ténèbres où je me débats désespérément? Martel s'arrêta et pliant la lettre. Ainsi, rien n'allégera la fatalité qui pèse sur nous. Mais puisque tes tourments s'exaspèrent au lieu de s'adoucir, tu as bien fait d'écrire cette lettre. Il faut l'envoyer telle qu'elle est. Il la glissa dans l'enveloppe et ferma celle-ci. Si notre position était autre, je te verrais avec épouvante appeler un prêtre entre nous. Dans les circonstances présentes, je ne me sens pas la force de prendre la direction de ta conscience. Tu sais bien que tu n'as rien à craindre de lui. Je l'ai connu homme de cœur. J'espère que les grandeurs ne l'ont pas changé. Cependant, l'évêque, est-il ce qu'était le curé de village? Son amitié au moins est toujours la même. Ce n'est pas son amitié que tu veux, c'est sa sévérité, la plus dure et la plus implacable. Tu veux souffrir pour expier, voilà ce que tu demandes. Expier quoi? Eh bien, qu'il te fasse souffrir, si cela peut t'arracher à ton désespoir, qui n'est ni d'une femme aimée, ni d'une mère. Il la regarda quelques instants avec une tendre pitié, puis, reprenant, as-tu pensé qu'il pourrait bien être plus tel que nous l'avons connu? Si en s'élevant, et en vieillissant, son cœur s'était endurci, son intelligence fermée. Eh bien, que ma lettre ne parte pas. C'est précisément pour que tu décides que je te l'ai remise. Il faut qu'elle parte, hélas. Je me flattais que mon amour, j'espérais que les enfants adouciraient l'amertume de notre malheur. Mais il te faut des miracles, et je me sens incapable d'en faire. Adresse-toi donc à cette foi qui jusqu'à ce jour a fait ton désespoir. Monsieur Coët t'aime, je ne peux croire qu'il veuille se placer entre nous. S'il est toujours ton ami, il me semble qu'il sera mon soutien et non mon adversaire. » La réponse ne se fit pas attendre. Elle était affectueuse et paternelle, mais elle marquait bien nettement la distinction entre le prêtre et l'ami. L'ami répondait par des paroles de compassion. Le prêtre avait besoin d'entendre et d'interroger avant de donner un conseil. Il en coûtait à Armande d'entreprendre un voyage de 3 jours dans l'état où était Julien. Cependant, elle s'y décida. Ils furent longs pour Martel ces 3 jours, et son angoisse fut poignante lorsqu'il la vit descendre de wagon. Était-ce la fatigue de la route qui l'avait si terriblement pâli et lui avait enfiévré les yeux? « Eh bien, » dit-il anxieusement, « j'aurais mieux fait de ne pas entreprendre ce voyage. Toi, toi seul. » Ils n'en dirent point davantage, mais c'en était bien assez. « J'ai eu de mauvaises nouvelles de M. Tréfléant, » reprit Armande lorsqu'elle eut interrogé Martel sur les enfants. « Dans sa dernière campagne sur l'Amazone, il a souffert toutes les privations. Il est rentré à Rio de Janeiro dans un état de faiblesse extrême. L'empereur l'a nommé commandeur de son ordre et a mis à sa disposition un vapeur et autant d'hommes qu'il lui en faudrait. Mais il a dit à M. Harcourt qu'il est trop sérieusement atteint et qu'il ne pourra pas mener à bonne fin son projet d'exploration. Il parle de nous très affectueusement et envoie à Victorine un collier d'aigues. » Lorsqu'ils arrivèrent au Plessis, on prévint Martel que M. Lataste était dans l'atelier et l'attendait. « Et c'est une invitation, » dit Armande vivement. « Eh bien ?» Elle hésita un moment. « Eh bien, reçois-le tout seul, » reprit-elle. « Je voudrais voir les enfants. » Évidemment, ce n'était pas la conclusion de sa première pensée. Il ne comprit que trop ce qu'elle avait dit tout d'abord. Lataste, qui était d'ordinaire l'homme le plus fleuri dans sa toilette et ses manières, se montra sombre et embarrassé. « Mon cher ami, » dit-il, « j'ai bien des défauts et ne fais pas illusion sur ce que je peux valoir. » Mais j'ai une qualité à laquelle je tiens beaucoup, c'est la franchise. Est-ce vrai ? Martel fit un signe affirmatif, se demandant ce qu'allait amener ce singulier exorde. Eh bien, je viens à toi, poussé par cette franchise qui me fait peut-être commettre une sottise. Enfin, c'est toi qui seras juge. Es-tu marié ? Cette demande, formulée d'une façon si brutale, produisit sur Martel à peu près l'effet d'un coup de fusil qui lui serait brusquement parti dans le dos. Cependant, il se remit aussitôt de ce moment de surprise. « Avant de répondre à ta question, dit-il, fais-moi savoir, je te prie, pourquoi tu me la poses. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas ? Mon cher ami, tu sais que ma femme a offert des cloches à notre clocher. Elle en est la marraine. Et à cette occasion, nous donnons une fête qui sera en même temps l'inauguration officielle de notre maison complètement terminée. Hier, nous avons discuté notre liste d'invitations avec le parrain. Le parrain, c'est la Save. Arrivé à ton nom, la Save me dit « Êtes-vous sûr qu'il soit marié ?» C'était très drôle, tu comprends. Je me mets à rire, il insiste. Je ne l'écoute pas et j'inscris ton nom avec celui de Madame Martel. C'était devant ma femme que ça se passait. La Save reste à dîner et le soir, quand je le mets en voiture, il revient sur toi en m'affirmant que la chose est très grave. Qu'on dit, et qu'il y a tout lieu de le croire, que tu n'es pas marié. Que si nous t'invitons avec Madame Martel, cela fera scandale. Tu connais la nature de mes relations avec la Save. Quoique plus jeune que nous, il est notre ami intime. Il nous a suivis partout, et c'est nous qui l'avons fait nommer ici. De sa part, je devais tout entendre, sans me fâcher. D'ailleurs, je ne me suis pas fait illusion sur la gravité de son observation. Si je me connais, je connais aussi notre position. Pour ce qui nous est arrivé à Bordeaux, par le bruit qu'on a fait autour de notre malheur, nous sommes obligés de n'avoir que des amis irréprochables aux yeux de la société. Ou bien, nous nous exposons à ce qu'on dise que nous recevons tout le monde parce que les honnêtes gens ne veulent pas venir chez nous. Justement, nous aurons des Bordelais qui ne manqueraient pas de colporter là-bas cette interprétation. Dans ces conditions, il m'a paru que je n'avais que 2 moyens, ne pas t'inviter, ce qui était te faire une sottise, ou bien venir à toi te demander une explication, ce qui était peut-être faire une bêtise. J'ai préféré la bêtise qui, en somme, n'engage que moi, et je suis venu. De tous côtés et successivement, le cercle dans lequel il se débattait se resserrait. Fallait-il lutter ou reculer ? Ce fut la double question que Martel agita confusément pendant que Lataste achevait son récit. Lutter ? Contre qui ? Contre le monde ? Contre un être insaisissable ? Dans quel but ? De s'imposer et après de reculer ? Mais jusqu'où reculer ? Jusqu'à dire la vérité, à tous ceux qui auraient le caprice de la demander, jusqu'à la crier par-dessus les toits. Cependant, il fallait répondre. « Mon cher Lataste, si je n'avais pas été marié lorsque tu es venu nous inviter pour la première fois, je te l'aurais dit tout simplement. »« J'en étais bien sûr !» s'écria Lataste, sans le laisser continuer. « Alors, tu ne m'en veux pas, et tu acceptes. »« C'est pour samedi. Je vais adresser en forme une invitation à madame. Fais-la prévenir, je t'en prie. Je ne t'en veux pas. Je t'en donne ma parole, mais je n'accepte pas. Comment ? Mon ami, on t'a dit que je n'étais pas marié. Je ne sais qui fait courir ce bruit. Et je dois croire qu'il est très répandu puisqu'il est venu jusqu'à toi. Je ne veux pas être exposé chez toi à l'entendre. Je ne veux surtout pas que ma femme y soit exposée. Mais personne ne s'avisera. Qu'en sais-tu ? Si quelqu'un en nous voyant dit « Tiens, voilà Martel, il paraît qu'il n'est pas marié. Iras-tu affirmer le contraire ? Ou bien mettras-tu sur tes invitations « Nous aurons monsieur et madame Martel, qui sont bien véritablement mariés, et non pas, etc. » Dès là que vos frères sus, la prouvera rien du tout. Lataste voulut insister, Martel se renferma froidement dans cette réponse. Voyons-la, franchement, dit Lataste, prêt à sortir. J'ai donc fait une bêtise. Mon brave Lataste, tu as une singulière façon de comprendre la franchise. Tu veux que ceux que tu interroges te répondent franchement, et tu appelles ça être franc toi-même. Je voudrais ne pas t'avoir fâché, dit-il tristement. Voilà ce que je voudrais. Alors donne-moi ta main. Il le reconduisit jusqu'à sa voiture, puis il rejoignit Armande. Lataste venait nous inviter au baptême de ses cloches. J'ai refusé. Son regard reconnaissant parla pour elle. Ce lui fut un grand soulagement que de ne pas aller à cette fête, mais en même temps un tourment aussi. Devait-elle lui faire rompre ainsi toutes ses relations ? Au milieu de ses inquiétudes et de ses tourments, Martel avait eu l'énergie de mener à fin les 12 toiles commandées par le prince de Coy. Et c'était pendant qu'il tremblait pour la vie de Julien, qu'il souffrait de la souffrance d'Armande, qu'il avait trouvé l'inspiration et la concentration pour achever un grand plafond, le matin, qui était le couronnement de son œuvre. À regarder cette vaste composition d'où se dégageait une sérénité robuste, on ne devinait guère les angoisses de l'esprit qu'il avait conçues, les agitations de la main qu'il avait exécutées. Le prince était trop peu homme d'argent pour croire que l'argent paye tout. Les tableaux terminés, il voulut donner à Martel un témoignage marquant de sa satisfaction. Pendant tout le temps qu'avait duré le travail, il était fréquemment venu au Plessis et des rapports presque intimes s'étaient établis entre eux. « Mon cher ami, lui dit-il avec une exquise bonne grâce qui doublait le prix de ses paroles, vos tableaux sont en place. Si j'étais le gouvernement, je vous décorerais. Si j'étais l'Académie des Beaux-Arts, je vous nommerais. Si j'étais critique, je vous consacrerais un volume, mais je ne suis hélas rien du tout. Cependant, je veux faire quelque chose pour vous remercier, ce que je peux. On aime assez à venir à Villiers, précisément sans doute parce que les occasions d'y venir sont assez rares. Je vais donner une petite fête pour l'ouverture de votre galerie et j'y inviterai ceux qui tiennent une place importante dans le monde artistique. Vous êtes, laissez-moi le dire, d'une négligence et d'une maladresse déplorable pour vous faire rendre justice. Je veux m'en charger. D'aujourd'hui en 15, j'aurai réuni le tribunal le plus compétent qu'un artiste puisse souhaiter, et je ferai moi-même le rapport. Je compte donc sur vous et sur Madame Martel, à qui je voudrais bien, si cela est possible, adresser ma demande. Martel connaissait assez le prince, ses habitudes et ses principes, pour sentir tout le prix d'une invitation faite en ces termes. Elle le désola. Il ne pourrait donc jamais échapper au monde. Accepter, refuser, à ces deux impossibilités, son esprit se heurtait sans trouver une issue. Il prit son parti. Sous l'agitation incessante et continue de la même pensée, sa conscience d'ailleurs s'était troublée. Il n'y voyait plus clair. À quel autre demandait la clarté, si ce n'est à ce représentant du monde, le plus élevé et le plus pur? Franchement, sans rien omettre, sans rien exagérer, comme sans rien atténuer, il s'ouvrit à lui. Mon cher ami, dit le prince en lui tendant la main, s'il s'agissait d'un conseil à vous donner, je serais fort embarrassé, je l'avoue, mais comme il n'est question que de moi seul, je me sens à mon aise. Pour moi, vous êtes le ménage le plus parfait, le plus honnête que je connaisse. C'est vous dire que je persiste dans mon invitation. Mais il y a plus. Je crois que vous ne devez rien négliger pour décider Madame Martel à accepter. Parce que vous m'avez dit, je vois qu'elle s'exagère jusqu'à la souffrance les difficultés de sa situation. Pour elle, pour sa propre estime, pour sa conscience, il est bon qu'elle soit reçue la tête haute dans une maison respectable, par un homme qui jusqu'à un certain point domine le monde. Ce n'est pas le cas de faire ici de la fausse modestie. Je crois que Villiers et cette maison, et puisque ma naissance et les circonstances m'ont donné une certaine position, il faut que cette position serve à protéger une honnête femme. Seulement, comme c'est sur elle surtout qu'il faut agir, je crois que vous devez la prévenir que je sais la vérité. Elle en souffrira tout d'abord, cela est certain, mais quand elle verra un homme à qui elle accorde quelque estime lui témoigner publiquement le respect qu'elle mérite, cette souffrance ne sera rien dans l'apaisement qui se fera en elle. Fiez-vous-en à moi. Je veux qu'elle sorte de Villiers, sinon heureuse, au moins calme et confiante. Préparez-la. Je reviendrai demain lui faire mon invitation. Mais toutes les raisons plus ou moins habiles étaient inutiles. Elle en avait une elle-même pour la décider, plus puissante que toutes celles qu'on pouvait lui donner. Cette fête n'allait-elle pas être un jour de triomphe pour Martel? Elle voulut être près de lui. Lorsqu'elle descendit de l'appartement qui lui avait été réservé et qu'il arriva avec Martel à la porte du salon de réception, elle ne put se défendre d'un sentiment d'effroi. Elle avait à traverser ce vaste salon dans toute sa longueur, vide au milieu. Il lui sembla que tous les yeux se levaient sur elle. Le prince, qui était adossé à la cheminée faisant face à la porte, vint au-devant d'elle et lui offrit le bras. Il la conduisit auprès d'une vieille femme poudrée, à l'air noble, malgré le rouge dont elle était horriblement peinte. C'était la duchesse de Nitrimière, célèbre sous la Restauration par ses aventures et son esprit. « Madame ma mère, je vous présente Madame Martel, » dit-il en faisant asseoir Armande auprès d'elle. « Je vous la confie, vous me remercierez de vous l'avoir fait connaître. » Ceci fut dit avec une extrême douceur de parole, puis il alla au-devant des invités qui arrivaient. « Le prince va passer sa revue. Nous pouvons la passer d'ici, » dit la duchesse. « Ce sera moins ennuyeux, et cela pourra peut-être vous être utile. Il est toujours désagréable de parler de corde à un pendu. Et quoique mon petit-fils ne reçoive pas tout le monde, il se trouve tout de même des pendus dans le nombre. Tenez, cette jeune femme blonde qui entre en riant est la marquise de Firfol. Si vous lisez les chroniques des journaux prétendus élégants, vous la connaissez, et ses toilettes, et ses amants, et ses dettes, et ses maux. C'est la lionne de la coquetterie ou de la cocotterie, comme le disait mon petit-neveu de Vauberil, ce grand garçon, avec une fleur blanche à sa boutonnière, qui s'est ruiné pour elle, a reçu un coup d'épée de son successeur et l'adore toujours. Celle à qui il tend la main est son amie intime, la comtesse d'Esterle. Les deux font la paire, la brune et la blonde. Ah, voilà Madame Honnadel, la femme du banquier. Elle ne ruine pas ceux qu'il aime, c'est elle qui se ruine. On trouve ça plus grossier, moi non. Et cette bourgeoise l'emporte, il me semble, sur les filles d'épreux. De chacun de ceux qui entraient, la duchesse faisait ainsi le portrait, sans se soucier qu'on l'entendît. Est-ce donc là le monde? Se demanda Armand en l'écoutant. Ces femmes marchent la tête haute, le sourire sur les lèvres. Mon enfant, continua la duchesse, l'honneur et le devoir sont aujourd'hui dans la médiocrité. Ça fait bien rire mes amis quand je dis ça, mais je le crois. Il est vrai que je ne connais pas la médiocrité. Vous êtes sage, voyez-vous, de vivre dans l'obscurité. Mon petit-fils m'a dit que vous étiez la meilleure des femmes, et maintenant que je vous vois, je le crois. Le salon s'était rempli, et c'était par-dessus la tête des invités, se détachant sur le paysage d'une tapisserie de Flandre, qu'on apercevait maintenant la statue de bronze de Bohémond de Coy, le chef de la maison, qui prit Antioche avec Raymond de Toulouse et fut seigneur de Crac. Il y avait peu de femmes, mais en moins d'une demi-heure, Armande avait entendu les plus beaux noms de la naissance, de la fortune et du talent. Au milieu d'un groupe, elle apercevait Martel, et parmi ceux qui l'entouraient, elle reconnut des figures amies, Vérodol le critique et quelques artistes. « Ah, voilà notre voisine, Madame Lataste, » dit la duchesse, « et son ombre, Monsieur Lassave. C'est pour vous que le prince l'a invité. Il a pensé qu'il vous serait agréable de trouver dans ce monde une amie. Ah, mon Dieu, qu'elle sent l'argent. Conseille-lui donc de prendre votre faiseuse. Vous vous habillez à merveille. » Lorsqu'on passa dans la galerie nouvellement décorée, le prince lui offrit le bras. « Je veux que vous ne perdiez rien de son triomphe, » dit-il. Ce triomphe fut complet. Pendant une heure, elle entendit les plus belles paroles, les plus douces comme les plus enivrantes qui puissent résonner dans un cœur sincèrement épris. Ah, comme elle avait hâte d'être seule avec lui. Malgré les instances du prince, elle avait voulu rentrer au Plessis le soir même et ne point passer la nuit loin de Julien. Ils étaient à peine sortis du flot de lumière qui illuminait la cour d'honneur, qu'elle se jeta dans ses bras et le serra longuement. La nuit était déjà éclairée des lueurs blanchissantes du matin. Ils firent la route sans parler, leur cœur était plein. Les mains dans les mains, ils se comprenaient. En arrivant, ils furent rappelés à la réalité. « Une lettre pour madame, » dit Marie-Ange. « Une bien terrible nouvelle, » dit-elle après l'avoir lue. « Monseigneur Hercouet m'écrit que notre pauvre monsieur de Tréflan est mort à Rio de Janeiro. Il laisse la plus grande partie de sa fortune à Victorine. » Triste pour Armande, qui avait tendrement aimé monsieur de Tréflan, cette nouvelle était bien plus terrible pour Martel. À ce mot, il laisse sa fortune à Victorine, lui revint le souvenir des paroles de Fabas. Berthaud ne sera à craindre que le jour où il aura un intérêt d'argent à se faire connaître comme chef de la communauté. Cette mort et ce testament n'allaient-ils pas donner naissance à cet intérêt? Le rêve avait été bien court. L'espérance avait moins duré que l'aube matinale.